Chapitre 3e. Autrefois Adeline rit de cet axiome qui a joué jouera, comme de tant d'autres qu'on répète sans trop savoir pourquoi, parce qu'ils sont monnaie courante, par habitude, sans y attacher la moindre importance. Mais à cette heure, il en était jusqu'à un certain point frappé. Qui avait formulé ce proverbe? L'expérience, évidemment, et comme les proverbes vont rarement seuls, il lui en était venu un autre qui s'imposait dans les circonstances particulières où il se trouvait. Et celui-là, c'était qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Pour que l'expérience populaire se fût formulée en cette petite phrase, qui a joué jouera, il fallait que bien des faits lui eussent donné naissance. Il avait fait son examen de conscience bravement, loyalement, un homme qui veut lire en soi, et il avait vu que depuis quelque temps, il suivait le jeu avec une curiosité qu'il n'avait pas au premier jour de l'ouverture de son cercle. S'ils étaient encore coupables, les joueurs, ils n'étaient plus ridicules, ils les comprenaient, et admettaient maintenant qu'on se passionnât pour ces luttes à coups de cartes, qu'ils se passent en quelques minutes, et peuvent avoir pour résultat la ruine ou la fortune. Il en avait vu de ces ruines et de ces fortunes subites, et il en avait suivi les phases avec émotion, avec cette sympathie dont parlait Frédéric. C'était un symptôme, cela. En fallait-il conclure que, parce qu'il s'intéressait maintenant au jeu, il allait prendre les cartes lui-même? Il ne le croyait pas. Il se défendait de le croire, mais enfin, il n'en était pas moins vrai qu'il y avait là quelque chose de caractéristique. Ce serait mensonge et hypocrisie de ne pas en convenir. Quand il avait vu des joueurs changer leurs jetons et leurs plaques à la caisse contre 100 ou 150 000 francs de billets de banque, il n'avait pas pu se défendre contre un certain sentiment d'envie. Et ne pas se dire que c'était de l'argent facilement, agréablement à gagner en quelques heures. De là à se dire que si cette bonne aubaine lui arrivait, elle serait la bienvenue, il n'y avait pas loin, et ce petit pas, il l'avait franchi. Le jeu a cela de bon qu'il n'exige pas un talent particulier pour y réussir, un long apprentissage, au moins dans le baccarat. Le gain comme la perte sont affaires de hasard, de chance personnelle. Il y a des gens qui ont cette chance et ils gagnent. Et il y en a qui ne l'ont pas et ils perdent, voilà tout. Quand il était tout jeune et qu'il jouait des billes à pair ou non avec ses camarades, il avait une chance constante, cela était un fait. Plus tard, pendant son voyage en Allemagne, lorsqu'il était entré à Bade, dans la salle de la roulette, il avait mis un louis sur le 24, qui était le chiffre de son âge, et le 24 était sorti. À Hambourg, il avait en riant avec sa maîtresse recommencé la même expérience, et le 24 était sorti encore. Deux numéros pleins sortant ainsi exprès pour lui, à son appel, pour ainsi dire, cela n'était-il pas particulier? Et ne constituait-il pas une chance personnelle? À la vérité, elle n'avait pas continué. Et il avait perdu à la roulette et aux 30 et 40 plus, beaucoup plus, que les 72 louis qu'il avait tout d'abord gagnés. Mais cette perte n'était pas, semblait-il, caractéristique comme son gain, et elle ne prouvait nullement qu'à un moment donné, il n'avait pas eu la chance, une chance providentielle. Sus-t-elle, quand on l'a eue et qu'on l'a égarée, ne revient-elle pas? C'étaient là des questions qu'il n'avait pas songé à examiner, puisqu'il avait renoncé au jeu pendant de longues années, mais qui maintenant lui revenaient. Comme cela arrangerait ses affaires si en quelques coups de cartes il gagnait 200 000 francs? Quelle joie pour Berthe, car il serait pour elle. Et s'il est vrai, qu'on me le dit, que la chance est aux jeunes, ne serait-ce pas la chance de Berthe qui réglerait cette partie qu'il ne jouerait pas pour lui-même? En somme, il y a une justice supérieure qui dirige les choses et les destinées en ce monde, et cette justice ne pouvait pas permettre qu'une bonne et brave fille comme Berthe, qui n'avait jamais fait que du bien, fût malheureuse. Il avait alors été frappé d'une remarque qui jusqu'à ce jour ne s'était pas présentée à son esprit. C'est que celui qui a de la fortune ou qui gagne largement, sûrement, ce qui est nécessaire à ses besoins, ne considère pas le jeu au même point de vue que celui qui est gêné et qui, quoi qu'il fasse, se retrouve toujours devant un trou. Les gains du jeu eussent été de peu d'intérêt pour lui, quand il possédait sa fortune héréditaire, qu'augmentait tous les ans les bénéfices de sa maison de commerce. Tandis que maintenant que cette fortune avait disparu et que sa maison ne donnait plus de bénéfices, ses gains arriveraient bien à propos pour combler le trou qu'il voyait sans cesse devant lui. Et de temps en temps, pendant que ce travail se faisait en lui, retentissait à son oreille la phrase qu'il était habitué à entendre. « Eh bien, mon président, vous ne jouez jamais. Quel beau banquier vous feriez !» Le beau banquier, celui qui gagne sans que sa physionomie riante, ses gestes désordonnés, ses éclats de voix insultent au malheur des pontes et qui, quand il a 9 en main, ne s'amuse pas à étudier longuement son poing pour torturer à l'avance que dans quelques secondes il va saigner à blanc. Et bien qu'il ne fût pas vaniteux, Adeline était flattée qu'on ne crût pas que s'il jouait, il serait un de ces pauvres diables de ponte qui viennent misérablement en cercle pour jouer la matérielle, c'est-à-dire de tâcher de gagner quelques louis qu'il leur faut pour la vie au jour le jour. Recommençant le lendemain ce qu'ils ont fait la veille, attelés à ce labeur aussi dur que n'importe quel travail, et qui, en usant les nerfs par une tension constante, conduit au gâtisme ceux qui le continuent longtemps. Banquier, et beau banquier même, certainement, il le serait, s'il voulait. Mais il ne voulait pas l'être. Pas plus que Ponte, d'ailleurs. Quand Raphaël avait fondé son cercle, car dans l'intimité elle disait son cercle, comme Frédéric et Adeline le disaient eux-mêmes, elle aurait voulu être la seule à mettre de l'argent dans l'affaire, de manière à toucher seule les bénéfices. Malheureusement, cela lui avait été impossible, et elle avait dû accepter de ses amis ce qui lui manquait, ou plutôt d'un ami de Frédéric, son ancien patron, le vieux Barthelas. Brûlé partout, aussi bien comme joueur que comme directeur de cercle, Barthelas en était réduit dans sa vieillesse, ce qui était un grand chagrin pour lui, à faire valoir par les mains des autres la fortune que 40 années de travail lui avaient acquise. C'était lui qui disait travail. Au lieu d'apporter son argent à Raphaël, il aurait voulu, lui, être le chef de partie du cercle, c'est-à-dire le caissier-prêteur, auquel le joueur décavé fait des emprunts pour continuer de jouer. Mais Raphaël n'avait pas été assez naïve pour accepter cette combinaison qui met dans la poche du chef de partie le plus net des bénéfices qu'on peut faire dans un cercle. C'était elle qui voulait être chef de partie, et en acceptant l'argent de Barthelas, elle ne consentait à accorder à celui-ci qu'une part proportionnelle à son apport. Ils s'étaient fortement querellés sur ce point. Ils s'étaient néanmoins fortement injuriés. Puis ils avaient fini par s'entendre et s'associer. Un homme leur appartenant remplirait ce rôle de chef de partie en prêtant non son argent, mais le leur à elle et à lui, et à eux deux, ils se partageraient les bénéfices. Pour surveiller cette opération des plus délicates, puisqu'il s'agit d'accorder ou de refuser de grosses sommes par oui ou par non, et instantanément, sans avoir le temps d'étudier la solvabilité et l'honnêteté de l'emprunteur, Barthelas ne quittait pas le cercle tant qu'on y jouait. Et par les salons, on le voyait rouler ses larges épaules d'ancien lutteur. Que faisait-il là? On n'en savait trop rien. Il semblait être un surveillant aux fonctions assez mal définies. Mais qu'un emprunteur s'adressa à Auguste, le chef de partie, Barthelas survenait, et à distance, sans en avoir l'air, d'un signe convenu, il disait lui-même le oui ou le non que le chef de partie répétait. Plusieurs fois, se trouvant seul avec Adeline, car en public il ne se permettait pas de lui adresser la parole, il lui avait dit le mot que tout le monde répétait « Vous ne jouez pas, monsieur le président », mais sans jamais insister. Un jour, cependant, qu'Adeline répondit à cet invite par un sourire, il alla plus loin. « Mais un président qui ne touche jamais aux cartes dans son cercle, » dit-il avec son accent provençal le plus pur, « c'est un pâtissier qui ne mange jamais de ses gâteaux. » « Et pourquoi ?» se dit-on. « Je vous le demande. » Alors il s'en trouve qui disent « c'est qu'ils sont empoisonnés. » D'autres « c'est qu'ils sont faits malpropre aux mains. » Adeline se répéta ce malproprement plus d'une fois. Était-il possible qu'on crût dans le monde qu'à son cercle il se passait des choses malpropres ? Évidemment, son abstention systématique pouvait être mal interprétée. De même, pouvaient être mal interprétés aussi ses discours contre le jeu. Ne pouvait-on pas se dire que s'il ne jouait pas lui-même et s'il cherchait à détourner du jeu ceux à qui il s'intéressait, c'est parce qu'il savait que dans son cercle on ne jouait pas loyalement. Mais alors ? Justement, cette intervention de Barthelas avait lieu au moment où il venait d'être fortement ébranlé par une partie qui s'était jouée sous ses yeux. Un commerçant de ses amis, qu'il savait gêné dans ses affaires et plus près de la faillite que de la fortune, avait gagné 200 000 francs qui le sauvaient. Et en présence de cette benne heureuse, Adeline s'était tout naturellement demandé s'il n'aurait pas pu être pour lui, qu'il prit la banque à la place de son ami et il gagnait ses 200 000 francs. Puisque la fortune avait eu des yeux cette nuit-là, elle aurait aussi bien pu en avoir pour lui que pour son ami. Mais était-ce bien la fortune? Si l'on voit la main de la fatalité dans un injuste malheur, ne peut-on pas voir celle de la providence dans un bonheur mérité? On va vite sur cette pente. De là à se dire qu'il était vraiment trop timide en ne tentant pas la chance, il n'y avait pas loin. Il ne s'agissait pas de devenir joueur comme il en voyait tant, qu'il ne vivait que par le jeu et pour le jeu. Il s'agissait simplement de tenter la chance une fois. Il ne serait pas ruiné, parce qu'il aurait perdu quelques milliers de francs. Avec le calme et la raison qui était son caractère même, il n'y avait pas à craindre qu'il se laissât entraîner au-delà du chiffre, qu'à l'avance, il se serait décidé de risquer. À la vérité, ce serait une perte, mais enfin, elle n'irait pas loin. Tandis que si la chance le favorisait comme cela pouvait arriver, comme il lui semblait juste que cela arrivât, son gain pouvait être considérable. Et gain ou perte, il s'en tiendrait là. Un homme comme lui ne s'emballe pas. Il se connaissait bien. Il jouerait donc. Une fois, rien qu'une fois. Et après, ce serait fini. On n'est pas joueur parce qu'on prend un billet de loterie. Cependant, cette résolution arrêtée, il ne la mit pas tout de suite à exécution. Et il passa bien des heures autour de la table de baccarat, se disant que ce serait pour ce soir-là, sans que ce fût jamais pour ce soir-là. Enfin, un soir que la partie languissait en attendant la sortie des théâtres et que le croupier venait de prononcer la phrase sacramentelle « Qui prend la banque ?», il se décida à quitter la place où il semblait cloué et s'avançant vers la table « Moi », dit-il.